إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Chers frères, durant cette assise, nous allons traiter, comme cela a été annoncé dans le programme du séminaire, du mérite, du rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc comme vous l'avez compris, les différents cours que nous voyons durant ce séminaire sont tirés de certains chapitres de l'authentique de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, de son recueil authentique de hadith. Donc dans cette assise, nous allons voir le chapitre du mérite du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Babu fadli dhikrillahi azza wa jal. Qui est à la page combien dans vos livres? La page 70. Donc l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, il a intitulé ce chapitre fadli dhikrillahi azza wa jal. Le mérite du rappel d'Allah. Nous avons vu dans cette mosquée, dans un précédent séminaire, des bénéfices lié au mérite du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons vu que le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne se limite pas au dhikr avec la langue, comme le tasbih, le fait de dire subhanallah, ou alhamdulillah, ou Allahu akbar, et ainsi de suite. Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas limité à ces choses-là. Mais il est bien plus général que cela. En effet, entre dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala toutes les œuvres, tous les actes et toutes les paroles par lesquelles on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jami'u al-a'mal wal-aqwal allati yutaqarrabu biha ila Allah tabaraka wa ta'ala. Tout ceci entre dans la généralité du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme la prière, le jeûne, le pèlerinage, la lecture du Coran et ainsi de suite. Parmi les œuvres que tu accomplis pour Allah subhanahu wa ta'ala, afin de te rapprocher de lui. Et on avait vu la preuve du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, que la prière est appelée dhikr, est appelée rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ali, je te rappelle? Al-aya, allati sama Allah subhanahu wa ta'ala fiha, as-salah dhikra. Wa nahnu fi yawm al-jumu'ah. Ah, يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. Ô vous qui croyez, lorsqu'on appelle à la prière le jour du vendredi, empressez-vous à quoi? Au rappel d'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il a explicitement nommé la prière rappel d'Allah. Et entre dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala également le commandement du bien, l'interdiction du mal, ainsi que l'enseignement de la science et sa révision et sa diffusion, comme nous tentons de le faire bi'idhnillahi ta'ala à travers ces assises durant ce séminaire. Donc, les assises de science, elles font partie du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est même une des plus grandes formes de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci fait partie, ces assises, durant lesquelles nous nous rappelons ce qui nous profite ici-bas, ainsi que dans l'au-delà, Inch'Allah ta'ala, cela fait partie des bienfaits, parmi les nombreux bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés. Nous devons donc faire preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a facilité le fait de nous réunir en cette mosquée, qui nous a facilité l'établissement de ces assises afin de l'évoquer et de le louer subhanahu wa ta'ala. Donc durant ces assises, tout ce que nous nous rappelons comme profit et comme bénéfice tiré des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala ou des paroles du messager sallallahu alayhi wa sallam font partie du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi sont les assises des gens de la sunna. Et ainsi sont les assises des gens de la sunna. Ce sont des assises de bien, des assises de guider, des assises dont le but est d'être utile et profitable pour les musulmans, par la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il convient donc aux musulmans de veiller à être assidus à ces assises, de profiter de ces assises de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'encourager sa propre personne, ainsi que ses proches et ceux qui sont autour de lui, à profiter de ce grand bien par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a encouragés à être assidus dans ces assises, dans les assises de rappel. Et il nous a encouragés également à faire preuve de patience dans ces assises. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son noble livre, dans Surat al-Kahf, dans Surat la caverne, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui évoquent, qui font le rappel d'Allah, qui évoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a dit dans l'explication de ce verset, Ay, ijlis ma'al ladina yathkurun Allah, tabaraka wa ta'ala. Assis-toi avec ceux qui se rappellent d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis il a dit, Sawa akanu, fuqara, o agniya, o aqwiya, o du'afa. Qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres, qu'ils soient forts ou qu'ils soient faibles. Et ainsi sont les liens en Allah subhanahu wa ta'ala. Voici les liens qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'entretenir entre les croyants. Des liens dont l'objectif est quoi? De se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne sommes pas réunis aujourd'hui pour des biens de ce bas monde. Nous ne sommes pas réunis aujourd'hui pour rechercher à obtenir un bien vil et éphémère parmi les biens de ce bas monde. Mais nous sommes réunis, incha'Allah ta'ala, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité dans les paroles et les actes. Nous sommes réunis pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le croyant, les liens qui sont les plus forts pour lui, ce sont les liens qu'il a avec ses frères en Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe leur rang social, peu importe leurs origines, et ainsi de suite. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset, selon le sens rapproché, « Et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. » En effet, le faux brillant de la vie sur terre, les choses éphémères de ce bas monde, les biens vils de ce bas monde, ne sont pas des choses profitables. Ce sont des choses, si tu attaches ton cœur à cela, cela te sera nuisible. Cela te causera du tort. Si tu aimes les biens vils de ce bas monde, cela sera pour toi une source de regret. Une source de châtiment. Comme l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit selon le sens, celui qui aime une chose pour autre qu'Allah, cette chose sera la cause de son châtiment. Pourquoi? Car celui dont le cœur est attaché à la dunya, celui dont le cœur est attaché à ce bas monde, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour obtenir ce qu'il désire. Il va s'écarter du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son cœur ne sera pas préoccupé par ce qui le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais son cœur, il sera préoccupé par ce qu'il souhaite obtenir parmi les biens éphémères et vils de ce bas monde. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné que nos yeux ne se détachent pas de ceux qui se rappellent de leur Seigneur matin et soir, et fait preuve de patience en restant avec ceux qui évoquent leur Seigneur matin et soir désirant sa face. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Car ceci est éphémère et n'a aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui ne donnent pas d'importance à cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui se détournent des assises de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est pour eux une source de regret. Qu'est-ce qu'ils font? Celui qui, lorsqu'il voit qu'il y a une assise de rappel, il s'en détourne et il part, il quitte ses assises, alors qu'il n'a peut-être rien à faire. Il sort, il va marcher dans la rue, il rentre chez lui, il va regarder la télévision, il va faire des choses futiles ou autres. Qu'a-t-il gagné? Il n'a rien gagné. Au contraire, c'est lui le perdant. Il s'est fait du tort à lui-même. Il a privé sa propre personne d'un grand bien en sortant de ses assises dans lesquelles nous nous rappelons les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et les paroles de son messager sallallahu alayhi wa sallam. On va donc lire les deux hadiths que l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a rapporté dans ce chapitre. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد ابن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت. Donc après avoir mentionné la chaîne de transmission de ce hadith jusqu'à Abu Musa radiyallahu ta'ala anhu, qui nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'exemple de celui qui évoque son Seigneur, qui se rappelle de son Seigneur, et celui qui ne s'en rappelle pas, qui ne l'évoque pas, est tel l'exemple du vivant et du mort. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé celui qui se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala à un vivant et celui qui ne se rappelle pas d'Allah, qui n'évoque pas son Seigneur, à un mort. C'est-à-dire que celui qui est dans l'insouciance, qui ne pense pas à Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne pense pas à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne pense pas à ce qui lui permettra d'être sauvé du châtiment du feu de l'enfer et d'entrer au paradis, celui-ci, il est comme un mort. En réalité, même s'il est vivant parmi nous, il ne connaît pas la réelle valeur de la vie. Car il ne profite pas de sa vie pour la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Allah subhanahu wa ta'ala, elle dit dans son noble livre, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Celui qui s'éloigne du rappel d'Allah, qui ne se rappelle pas d'Allah, qui ne prie pas, qui ne jeûne pas, et ainsi de suite, celui-ci, il est comme un mort. Il ne profite pas de sa vie. Il ne profite pas de ce passage dans ce bas monde pour prendre ses provisions pour l'au-delà. Alors que celui qui se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont le cœur est attaché à Allah subhanahu wa ta'ala et à tout ce qui le rapproche d'Allah, alors celui-ci, il est comme le vivant. Et ce hadith, en réalité, si on le médite, il est suffisant pour nous encourager à évoquer sans cesse Allah subhanahu wa ta'ala, à nous rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala dans nos cœurs, en nous rappelant qu'Allah subhanahu wa ta'ala est notre Créateur, qu'il nous a accordé de nombreux bienfaits et qu'il est le seul à mériter l'adoration. Également, on évoque Allah subhanahu wa ta'ala par nos langues, par le tasbih, le tahmid, le tahlil, le takbir, en disant subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, et ainsi de suite parmi les formules d'évocation qui sont légiférées. Également par la lecture du Coran, qui fait partie du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala par la langue, le commandement du bien, l'interdiction du mal. Et on se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala par nos corps, en nous prosternant pour Allah subhanahu wa ta'ala, en accomplissant nos prières, en jeûnant pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite parmi les œuvres qui nous rapprochent d'Allah et qui font partie de son rappel. Et le musulman qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala au jour dernier, il doit sans cesse se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de ne pas être semblable aux morts. Et Allah subhanahu wa ta'ala a certes dit dans son noble livre « وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَا وَلَا الْأَمْوَاتِ » Les vivants et les morts ne sont pas semblables. L'imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala, il a dit dans l'explication de ce verset « يَعْنِي الْمُؤْمِنِينَ وَالْكُفَّارِ » Il dit c'est-à-dire les croyants et les mécréants. Les croyants, ils sont tels, les vivants, et les kuffars, les mécréants, comme les morts. Il dit que ce qui est visé par ce verset, c'est ils ne sont pas semblables, les croyants et les mécréants. Puis il dit, rahimahullah, وَقِيلَ الْعُلَمَا وَالْجُهَالِ Et il a été dit, ce sont les savants et les ignorants. Les savants, ils sont comparés à quoi? Aux vivants. Et l'ignorant à quoi? Aux morts. Pourquoi les savants sont comparés aux vivants et les ignorants aux morts? Et le savant, le vrai savant, il est sans cesse dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien, il est dans l'apprentissage de la science pour ajouter à son savoir. Ou bien, il enseigne ce qu'il a déjà appris. Ou bien, il met en pratique la science qu'il a acquise. Donc il est sans cesse dans quoi? Dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son cœur est vivant. Alors que l'ignorant, celui qui ne connaît pas la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne fait pas d'effort pour apprendre les règles de sa religion, qui ne sait pas ce qui le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il doit accomplir et qui ne connaît pas ce qui l'éloigne d'Allah et de quoi Il doit s'écarter. Son cœur est distrait. Son cœur est insouciant, car il n'a pas la science qui lui permet de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Donc c'est pour cela qu'il est comparé aux morts. Wallahu al-musta'an. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. Donc l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il rapporte, d'après Abi Huraira radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a des anges qui se déplacent dans les chemins, recherchant les gens du rappel, c'est-à-dire les gens qui font le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'ils trouvent des gens qui se rappellent Allah subhanahu wa ta'ala, ils s'interpellent et disent, vous avez trouvé ce que vous cherchez. Il cherche les gens qui se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois qu'il les trouve, il s'appelle les uns les autres pour se réunir autour de ces gens. Ensuite, il dit sallallahu alayhi wa sallam, fayahuffunahum, et il les entoure, bi ajnihatihim, avec leurs ailes. C'est-à-dire qu'avec leurs ailes, ils entourent ceux qui font le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, ila sama'i dunya, jusqu'au ciel le plus bas. C'est-à-dire les uns sur les autres, jusqu'au ciel le plus bas autour des gens qui font le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci fait partie des choses de l'invisible dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, et il est obligatoire pour nous d'avoir la ferme conviction que cela est vrai. Car tout ce dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc obligatoire pour nous d'y croire sans aucune hésitation. Ensuite il dit sallallahu alayhi wa sallam, قال فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي. Ensuite, leur Seigneur les interroge. C'est-à-dire qu'Allah interroge les anges. Et il est plus savant qu'eux. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, il a connaissance de toutes choses. وَعَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Il sait ce que renferment nos poitrines. Il sait tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer. Mais il leur demande, que font mes serviteurs? قَالُوا. Donc les anges, ils répondent. يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. Ils font le tasbih, ils disent subhanallah, ils font le takbir, ils disent Allahu akbar, ils te louent, alhamdulillah, ils te glorifient. قال فيقول هل رأوني. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges, m'ont-ils vu? Alors ils disent les anges, فيقولون لا والله ما رأوك. Non par Allah, ils ne t'ont pas vu. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, on ne le voit pas dans ce bas monde. Mais les croyants, ils verront leur Seigneur dans l'au-delà. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la vision de son noble visage au paradis. Et ceci fait partie des choses les plus éminentes que recherche le croyant en termes de récompense. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, elle dit dans son noble livre, « لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَ وَزِيَادَ » À ceux qui agissent en bien et réserver la meilleure des récompenses et davantage encore. Ma hiya al-husna wa ma hiya al-ziyada. Al-husna, qu'est-ce que c'est? Al-janna. Wa ziyada? Ru'yatullah tabaraka wa ta'ala. Donc ici dans ce verset, la meilleure récompense, al-husna, ce qui est visé par cela, c'est le paradis. Le fait que les croyants entreront au paradis. Et lorsqu'il dit wa ziyada, et même davantage, ce qui est visé, c'est le fait de regarder le visage d'Allah, tabaraka wa ta'ala, d'écouter sa parole et d'obtenir son agrément. Et ceci est la chose la plus éminente que recherche le croyant. Ensuite, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, fayaqul, wa kayfa law ra'awni. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aux anges, et quand serait-il s'il me voyait? S'ils voyaient Allah subhanahu wa ta'ala, que feraient-ils? Ils ne l'ont pas vu, mais ils le glorifient, ils le louent. Alors qu'en serait-il s'ils avaient vu Allah subhanahu wa ta'ala? قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تصبيحا. Ils répondent alors les anges, s'ils te voyaient, ils t'adoreraient encore plus, ils te glorifieraient encore plus, et ils feraient le tesbih, ils exalteraient ta pureté davantage. Il fait partie des caractéristiques des serviteurs pieux d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils croient au ghaib, à l'imperceptible, ou parfois traduit par l'invisible. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au début de Surat al-Baqarah, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Alif Lam Mim, ceci est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a informé et nous a dit qui sont les pieux. Il nous a mentionné certaines de leurs caractéristiques. Et quelle est la première caractéristique qu'il a citée? الذين يؤمنون بالغيب. Ceux qui croient en l'imperceptible. La réalité de la foi, ce n'est pas de croire aux choses que tu vois seulement, aux choses qui sont perceptibles par tes sens. Mais la réalité de la foi, c'est que tu crois en tout ce dont nous a informé le messager sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala ou dans sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est la réalité de la foi qu'atteignent les serviteurs pieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, قال يقول فما يسألوني قال يسألونك الجنة. Ensuite Allah il dit aux anges, et que me demandent-ils? Ils disent alors, ils te demandent le paradis. يقول وهل رأوها. Et l'ont-ils vu? Et Allah il demande aux anges si ses serviteurs ont vu le paradis. قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها. Il dit, les anges répondent alors, non par Allah. Ô notre Seigneur, ils ne l'ont pas vu. Le paradis, Allah subhanahu wa ta'ala l'a préparé pour ses serviteurs pieux. Il existe actuellement. C'est une créature parmi les créations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a dans ce paradis ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, et ce que le cœur d'un homme ne peut s'imaginer, comme il est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici les anges, ils disent que ces serviteurs qui font le rappel, ils demandent à Allah quoi? Ils lui demandent le paradis. Est-ce qu'ils l'ont vu? Non, ils ne l'ont pas vu. Ce paradis, on ne l'a pas vu, on ne peut même pas se l'imaginer. Ensuite, il dit, فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا. Qu'en serait-il s'ils l'avaient vu? Qu'en serait-il s'ils avaient vu ce paradis? Ils n'ont pas vu ce paradis, mais étant donné qu'ils ont la foi en ce dont a informé le messager, sallallahu alayhi wa sallam, ils accomplissent des œuvres leur permettant d'atteindre ce paradis. Mais qu'en serait-il s'ils l'avaient vu? Les anges disent alors, قَالَ يَقُولُونَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيَّ حِرْصًا وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً. S'ils l'avaient vu, ils seraient encore plus avides, ils désireraient encore plus atteindre ce paradis. Ils le rechercheraient encore plus et leur désir d'y entrer sera encore plus immense. C'est-à-dire que leurs œuvres seront encore plus conséquentes afin d'atteindre ce paradis. Cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans un hadith que ce paradis, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a couvert de quoi? Non. Des choses qui sont rejetées par l'âme, que l'âme a du mal à faire. La personne doit faire des sacrifices pour atteindre ce paradis. Ce n'est pas une chose facile. Le croyant, il doit faire des efforts pour atteindre ce paradis qui lui a été décrit dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit قَالَ فَمِمَّا يَتَعَوَّذُونَ قَالَ يَقُولُونَ مِنَ النَّارِ. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aux anges et contre quoi cherche-t-il la protection, le refuge? Les anges répondent alors, ils cherchent refuge contre le feu, c'est-à-dire le feu de l'enfer qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour les serviteurs mécréants. قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا. Il dit alors, et l'ont-ils vu? قَالَ يَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ مَا رَأَوْهَا. Ils répondent alors, non par Allah, ils ne l'ont pas vu. قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا. Qu'en serait-il s'ils l'avaient vu? قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا. S'ils l'avaient vu, ils le fuiraient encore plus et ils en auront encore plus peur. Imaginez-vous un instant le feu de l'enfer. La simple lecture des versets sur le feu de l'enfer remplit le cœur du croyant de crainte à l'idée d'y entrer. Alors qu'en serait-il si on l'avait vu? Qu'en serait-il si on voyait le feu de l'enfer? Et à l'inverse du paradis, l'enfer, il a été recouvert de quoi? Les shahawat, les désirs, ce que l'âme désire, ce que l'âme souhaite. L'âme, elle est incitatrice au mal. Elle a un penchant pour les péchés. Mais l'homme, il doit faire des efforts afin de l'habituer à se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, de se soumettre à ses ordres et de délaisser ses interdits, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala te sauve du feu de l'enfer. Et il est rapporté de certains, parmi les salafs, rahimahumullah ta'ala, que lorsqu'il a vu la situation des gens à son époque, qu'il s'est étonné de leurs actes et ne comprenait pas comment ils pouvaient prétendre croire au paradis et à l'enfer. Vous croyez au paradis, mais vous ne faites rien, ou très peu, pour chercher à y entrer. Et vous croyez en l'enfer, mais vous ne faites que très peu pour en être sauvé. Et chacun de nous connaît sa situation. Il n'y a pas d'autre chemin, mes frères. Après la mort, c'est ou l'enfer ou le paradis. Un groupe ira au paradis et un groupe ira dans la fournaise. Il n'y a pas d'autre chemin. Donc pose-toi la question aujourd'hui, dans quel groupe je souhaite me trouver? Parmi les gens du paradis ou parmi les gens de l'enfer? Il n'y a pas de doute que nous souhaitons tous être parmi les gens du paradis. Mais nos œuvres sont-elles correctes pour faire partie des gens du paradis? C'est ça le problème. Est-ce que l'on fait suffisamment d'œuvres pour pouvoir entrer dans ce paradis? Est-ce que nos œuvres sont telles que celles Allah a décrites subhanahu wa ta'ala dans son noble livre parmi les caractéristiques des gens du paradis? Et chacun de nous connaît mieux sa situation. Il est donc encore temps pour nous de nous remettre en question et de faire en sorte de réformer nos situations. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider en cela. ثم قال صلى الله عليه وسلم فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit alors aux anges, je vous prends donc à témoin que je leur ai certes pardonné. Allahu Akbar. Ils se sont réunis dans une assise pour se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, demander son paradis, chercher refuge contre son feu. Allah subhanahu wa ta'ala, par cette cause, il les a pardonnés. Et écoutez ce qui est plus surprenant encore. قال يقول ملك من الملائكة. Un parmi les anges dit alors, فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. Il y a parmi eux un tel. Il ne fait pas partie d'eux. Il n'est pas avec eux habituellement. Il ne fait pas partie des gens du rappel, des gens qui se rappellent beaucoup d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il est venu ici parce qu'il avait un besoin. Peut-être qu'il voulait voir quelqu'un à la mosquée, donc il est venu prier ici. Il y avait l'assise, il l'a attendu, il est resté. Peut-être qu'il avait quelque chose à faire dans ce secteur ou dans cette ville. Il est rentré, il a trouvé une assise. Il s'est assis, il est resté. Donc l'ange, il dit à Allah subhanahu wa ta'ala, celui-ci ne fait pas partie d'eux. Comme pour dire, vas-tu aussi le pardonner? Alors Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. Ceux-là sont les compagnons dont ne sera pas malheureux celui qui s'assoit avec eux. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne aussi. Il n'est pas venu à la base pour participer à l'assise, mais il est venu pour un autre besoin. Mais le simple fait qu'il soit assis dans l'assise, Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé le bénéfice de cette assise et il l'a pardonné. Donc ce hadith, mes frères, comme vous le voyez, il nous montre le mérite immense des assises de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc après la lecture et l'écoute de ce hadith, on se demande comment je peux avoir connaissance qu'il y a des assises de rappel, des assises de science, quotidiennement dans la mosquée de ma ville, quotidiennement dans une mosquée à proximité de chez moi, mais je ne suis pas présent. Pourquoi? Car les cœurs sont distraits. Les cœurs sont attachés à ce bas monde. Wallahu al-musta'an. Thumma qala l'imam al-Bukhari rahimahullah, rawahu Shu'ba an al-A'mash wa lam yarfa'hu. Il est rapporté aussi par Shu'ba d'après al-A'mash, qui ne l'a pas remonté jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa rawahu Suhayl an Abi Hurayra radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il est aussi rapporté par Suhayl d'après son père, d'après Abi Hurayra, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala